Demain de maître sur Fadjet, présenté par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de maître, votre émission qui rencontre des artisans d'art d'exception en Lorraine et en Alsace, à écouter une fois par mois, le vendredi à 18h, rediffusé le dimanche à 10h30. Aujourd'hui, je suis à Nancy, dans l'atelier d'une modiste. Saviez-vous que la Lorraine était le haut fief du chapeau au 19e siècle ? Sophie Milly, modiste, s'attache à faire revivre cette tradition locale en l'adaptant et en la modernisant avec pour modèle Audrey Hepburn. Demain de maître vous emmène à sa rencontre. Bonjour Sophie Milly, merci de me recevoir ici à Nancy dans votre atelier. Bonjour Olivia, bonjour tout le monde. Sophie Milly, qui êtes-vous ? Je suis modiste. C'est quoi le métier de modiste ? Une modiste, c'est un artisan qui fait des chapeaux en deux parties. Ça, c'est la définition qu'on trouve sur l'INMA. C'est différent d'un chapelier. Un chapelier fabrique des chapeaux en série, d'une seule pièce, dans une usine ou dans une grosse manufacture de chapeaux. Mais le chapelier, ça peut être aussi la personne qui possède une chapellerie. Donc il existe un troisième terme que j'aime utiliser, c'est le terme de fantaisienne, qui utilise des techniques de chapellerie pure, c'est-à-dire le moulage en une seule pièce. Quand je dis une seule pièce, c'est que la calotte et les bords, donc la calotte, comprendre ce qui se trouve sur la tête, que ces deux pièces soient fabriquées d'un seul tenant. Et donc vous êtes modiste, alors pourquoi le chapeau ? C'est assez technique, hein, le chapeau, et c'est ce qui me plaît dans ce travail, c'est la minutie que ça exige, il faut beaucoup d'applications. J'aime aussi la dimension psychologique que ce travail requiert. Je travaille majoritairement sur mesure, et il me faut pénétrer l'intellect des gens pour mettre en volume et donner vie à ce qu'ils ont en tête, en fait, au modèle dont ils ont rêvé. Et c'est ça qui me plaît, c'est un accompagnement à chaque nouvelle création, l'accompagnement d'une personne, d'une personnalité, d'une identité. C'est toutes ces rencontres-là qui me plaisent, en parallèle de la technicité du chapeau. Et c'est vrai que le chapeau, c'est assez paradoxal, puisque les personnes qui portent un chapeau se protègent de la pluie, se protègent du froid, et en même temps sont aisément reconnaissables, si je puis dire. Effectivement, c'est tout le paradoxe qui m'intéresse. Vous savez, dans certaines religions, on considère le chapeau un petit peu comme une protection divine, et quand on sort de chez soi, c'est un petit peu une extension de son cocon, de son milieu familial. Alors effectivement, on se fait remarquer, mais en même temps, on est un petit peu dans sa bulle aussi. Et c'est ce que j'aime dire à mes clientes quand, ou à mes stagiaires, quand j'ai des personnes qui viennent en stage, quand on me dit « Oh, il est super beau mon chapeau, mais vous savez, dans le fin fond de ma campagne, je le mettrai même pas, je le mettrai pas. Parce que je vais me faire regarder par tout le monde. » J'ai dit « Mais qui vous dit que les gens vous regardent parce que vous avez l'air ridicule ou quelque chose comme ça ? Ça se trouve, on vous regarde parce que vous êtes jolie avec votre chapeau et qu'au contraire, vous vous faites remarquer parce que vous avez le cran et le beau port de tête et l'assurance de porter votre beau chapeau. » Alors Sophie Milly, racontez-nous votre rencontre avec le chapeau. Alors ma toute première rencontre, c'était en fait un béret en daim noir de ma maman, qui était super beau, qu'elle avait dans son placard. Je ne l'ai jamais vu le mettre, mais je me souviens l'avoir porté, vous savez, quand on est enfant et qu'on met les vêtements de sa maman pour jouer à la dame. Après, c'était les chapeaux de la maman de ma maman, qui était très très coquette, qui avait des petites pochettes et des chapeaux vraiment très très beaux. Et puis, par la suite, j'ai fait quelques années de théâtre, et c'est vrai que ce qui me plaisait dans le chapeau, c'était le fait d'incarner quelqu'un d'autre, un personnage. Tout de suite, quand on met un chapeau, tout de suite, vous mettez la casquette du facteur, vous êtes un facteur. Vous mettez la toque du pâtissier, vous êtes un pâtissier. Ah, c'est vrai. Quand je me suis engagée dans le stylisme, c'était en vue de devenir costumière. À l'époque, les études de costumière étaient vraiment trop chères, donc je me suis dit « allez, je vais y aller » en passant par le stylisme. Et au final, j'ai fait un stage dans une chapellerie à Metz, qui s'appelaient les chapeaux d'Isabelle. Mmh. Ils étaient modistes depuis deux générations, donc vraiment beaucoup de formes qui dataient de la grand-mère. Enfin, c'était vraiment magique. Et là, je me souviens, c'est apparu comme une évidence. J'ai fait des chapeaux qui sont partis, qui ont été vendus dans la journée même. Et là, je me suis dit, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. J'ai plus de questions à me poser. C'était un coup de foudre. Ah oui, complètement. Ouais. Littéralement, oui, oui. Pour ce que le chapeau représente et Aussi, mais vraiment aussi pour la technique. J'insiste sur la dimension technique que ce boulot exige. C'est vraiment ça qui me plaît. C'est toute la précision qu'il faut. Vous voyez, quand on est dans le vêtement, on ne s'attache pas à 1 ou 2 millimètres d'écart entre deux coutures qui sont sous les aisselles. Dans le chapeau, c'est comme un objet de déco. Il faut que l'objet que vous ayez dans les mains soit vraiment parfait. Mmh. Il faut que tout soit précis. Et comme disait ma prof de mode, un chapeau bien fait, c'est un chapeau dont on ne comprend pas comment il a été réalisé. Donc il doit y avoir aucune trace de montage. Donc il faut vraiment être d'une grande précision. Sophie-Émilie, quel type de chapeau faites-vous, justement ? Alors, je fais des chapeaux, mais aussi tout ce qui se porte sur une tête. Hein. C'est-à-dire ? Alors, ça peut être un serre-tête, ou aujourd'hui, on appelle ça des headbands ou des headrolls pour porter tous les jours. Ça peut être aussi un voile de mariée, une parure de tête. Ça peut être un chapeau, une casquette d'homme. Ça peut être un turban pour une femme qui aurait besoin de cacher une chute de cheveux. Ça peut être un bibi pour aller à un cocktail. Ça peut être un chapeau pour se protéger du froid, pour peaufiner un look. Ça peut être un chapeau pour un comédien, pour incarner un rôle. Je peux aussi transformer le chapeau du grand-père pour que le petit-fils puisse le porter aujourd'hui. Ça peut être tellement de choses, en fait. Vraiment, tout ce que les personnes ont en tête et qu'elles veulent porter sur la tête. Et en 15 ans d'expérience, puisque ça fait 15 ans déjà que vous êtes modiste, votre coup de cœur, votre chapeau, ce serait ? Ce serait pas vraiment en termes de coup de cœur, ce serait en termes de temps qu'il m'a fallu pour le réaliser. J'ai conçu un chapeau pour un concours qui, je me souviens, m'avait pris 98 heures. Oh. Et je repense à ce chapeau qui avait été entièrement monté à la main, puisque j'avais pas, et j'ai toujours pas de machine à paille. Et c'est du... En fait, il s'agit de monter un tout petit galon de paille, et ce galon faisait 8 mm de large. Et ouais, j'étais partie dans l'idée de faire un maxi haut de forme dans cette paille-là, de 0,8 mm de largeur. Et j'ai passé un temps fou. Et après, j'avais mis un temps fou à faire les petites fleurs en garniture pour lesquelles j'avais découpé les pétales un à un pour qu'ils soient vraiment parfaitement découpés, à coller le pourtour des pétales de façon à ce que la couture soit, enfin, qu'il n'y ait pas de couture à faire et que le tissu ne file pas. Enfin, un temps fou. Mais après, quel plaisir, j'imagine, oui, lorsque le chapeau est réalisé et porté. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Quand vous le voyez défiler. Parce que dans le cadre de ces concours, souvent il y a des défilés où on peut voir le chapeau mis en scène. C'est vrai que là, c'était un pur bonheur de le voir défiler. Et d'ailleurs, Sophie-Émilie, qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez passé du temps sur un chapeau et que, eh bien, une cliente ou un client d'ailleurs le porte et se l'approprie ? Qu'est-ce que vous ressentez en vous ? Ça me procure un immense plaisir. Je me souviens, à l'époque où j'ai commencé mon activité, j'étais sur Metz. J'avais fait plusieurs chapeaux que j'étais allée présenter dans une boutique. Et un jour, au détour d'une rue, je vois une femme avec un de mes chapeaux. Et je l'ai suivie. Je l'ai suivie partout en ville. Je l'ai suivie pour voir qui était cette personne qui portait mon chapeau et que je ne connaissais pas et qui avait craqué pour un chapeau qui n'avait pas été fait pour elle. Donc un chapeau qui sortait entièrement de mon imagination et qui avait été fait pour la femme à laquelle je pense à chaque fois que je fais un chapeau pour tout le monde et personne, je pense à Audrey Hepburn, parce que c'est vraiment mon inspiratrice. Et là, ce n'était pas Audrey Hepburn en dessous de ce chapeau, c'était une personne lambda que je ne connaissais pas et ça m'a vraiment procuré un immense plaisir. Je suis rentrée, j'ai dit à mon chéri, oh, j'ai vu un de mes chapeaux. J'étais terriblement heureuse. Vous vous sentez utile aussi, j'imagine, peut-être, quand vous faites des chapeaux et que les gens se l'approprient et peut-être ont plus confiance en eux ou Alors, nécessairement, oui, c'est participer au fait qu'une personne se sente belle et radieuse. Quand vous voyez une cliente ou un client qui m'a passé commande et qui vient au fil des essayages, et puis qui, à la fin, quand son chapeau est terminé, le met, se regarde sous tous les angles, a les yeux écarquillé, limite une petite larme à l'œil et qui me dit « mais vous avez tout compris, C'était exactement ce que je voulais. C'est parfait. Là, c'est pas en termes d'utilité, je me dis, c'est formidable. Oui, et ben j'ai compris. On a parlé le même langage et j'ai réussi à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de cette tête-là. Alors justement, on parle des chapeaux. Est-ce que vous pouvez nous parler du chapeau, ou plutôt de la casquette Camille, qui est une casquette, je crois, en feutre de poil de lièvre? Oui. Alors vous soulignez le fait que ce soit en poil de lièvre, parce que c'est vrai que plus communément, on a tendance à trouver du poil de mouton, donc un feutre un peu plus épais. Cette casquette, elle est inspirée d'une bombe de cavalier et elle a une visière asymétrique plus longue sur le côté gauche. Elle est bordée d'un laiton, oui, qui nous permet d'avoir une certaine tenue et une certaine rigidité sur le bord de notre chapeau. Sur ce laiton, pour cacher ce laiton, on a un ruban de bourdalou. Alors, c'est quoi ça? La bourdalou, c'est un ruban ancien qui n'est plus fabriqué, qui est en acétate et en coton, qui est d'une finesse dont on servait pour garnir les chapeaux d'hommes. Et donc, ça apporte un cachet supplémentaire à ce chapeau qui mêle matière actuelle et matériaux anciens. Et donc, pour finir la description de cette casquette a aussi un beau nœud plat un peu stylisé, toujours en bourdalou, pour lui donner un petit cachet un peu moderne. Et quelle couleur, cette casquette Camille? Ah, elle est noire. Noire avec son ruban marron. Sophie-Émilie, on va maintenant passer à la partie démonstration atelier. Alors, je vous suis. D'accord, et bien suivez-moi. Donc là, en fait, on monte quelques escaliers en bois dans un très bel écrin, un très bel immeuble. Et on arrive en fait dans un couloir où il y a effectivement dans un atelier, l'atelier de Sophie-Émilie, la partie confection-démonstration. Donc Sophie-Émilie, nous sommes arrivés dans votre atelier, partie confection. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, je m'apprête à mouler un chapeau de feutre. Je pars d'un cône de feutre de poil. Quand je vous dis cône de feutre de poil, il faut penser qu'à l'origine, je reçois mon cône, qui a déjà la forme d'un cône, comme son nom l'indique. Vous imaginez un gros cône de glace? Mmh. Eh bien, c'est ça, mais en feutre, mmh, en feutre de poil. Mmh. Donc là, je suis au-dessus de ma forme en bois. Oui. Je viens y placer mon cône de feutre. Voilà. Et donc maintenant, je vais préparer une pâte humide, poser sur mon feutre de poil, oui, qui est lui-même sur une forme en bois, mmh, et je vais produire de la vapeur en venant y mettre à même la pâte mouille un fer à repasser qui lui-même ne produit pas de vapeur. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un fer ancien. Oui. Alors, on me demande pourquoi j'utilise pas une presse vapeur. Bah parce que on ne doit pas poser la semelle et la vapeur qui est éjectée par les trous de la semelle à même le feutre. Sinon, les petits trous avec la vapeur très forte sortant de ce fer brûleraient la fibre. D'accord. Donc, c'est important de protéger avec un linge et je fabrique moi-même la vapeur. Et donc, je continue ainsi jusqu'à lui donner entièrement la forme de la partie haute de mon chapeau. C'est quoi l'étape suivante? Alors ensuite, je reproduis cette même étape pour les bords. Mmh. Et je vais venir bien maintenir tout mon ouvrage avec des épingles argentines que je vais piquer au travers de mon feutre et de ma forme à l'aide de mon marteau. Ce sont des épingles à usage unique. Ah bon? Oui. Donc, à chaque ouvrage, je jette toutes les épingles que j'ai utilisées. Vous voyez que je les tords pour bien maintenir la fixation, pour ne pas permettre au feutre de se rétracter. Et ensuite? Je laisse sécher toute une nuit. Alors après, c'est le bonheur du démoulage. Donc, je retire mes épingles, je retire ma ficelle et là, je démoule mon chapeau. Alors, il faut retirer toutes les épingles. Bien retirer ensuite la ficelle. Mm-hmm. C'est fait. Ensuite, je prends une baleine souple de corset orthopédique. J'ai rien trouvé de mieux. Et là, vous passez la réglette, si je puis dire, en dessous. Entre le cône et le bois. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la longueur de mes bords que je désire. Donc je fais un tracé minutieux sur tout le pourtour avec un crayon à tissu. Cette étape faite, je prends une règle souple cette fois, donc une règle que je peux arquer tordre comme vous le souhaitez, dans n'importe quel sens. Et donc je vais lui donner une forme arrondie de façon à avoir une belle courbe et je vais relier tous mes points sur le pourtour de mon bord. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On découpe le surplus de matière. Allons-y, c'est parti pour la découpe. On prend des ciseaux courbes, des ciseaux de chapelier. Oui. Des grands ciseaux, hein. Je suis témoin. C'est vrai qu'ils sont très grands. On découpe en prenant bien soin de ne pas faire de cran sur le feutre. Découper, ça s'apprend. C'est un travail précis, hein. Oui. Bon, une fois que tous nos bords sont découpés, je vais apposer un laiton. Je vais prendre un laiton de taille moyenne, puisqu'il s'agit d'un chapeau quotidien. Oui. Pour femme, donc qui sera manipulé avec délicatesse, on l'espère. Forcément. Oh là là, les préjugés. Et ça sert à quoi alors ce morceau de laiton ? Eh bien, vous allez voir, en fait, il s'agit de rigidifier le bord pour l'aider à maintenir la forme que je lui aurais demandé, que je lui aurais exigé de prendre. Je vais fixer ce laiton sur mes bords et je vais coudre à la main mon laiton sur les bords de mon chapeau. 45 minutes plus tard, mon laiton est fixé. Oui. Ensuite, je dois venir mettre un ruban à l'intérieur qui est fait en coton pour maintenir la pointure de tête de l'intérieur de mon chapeau. D'accord. Pour les chaussures, vous achetez des chaussures à votre pointure. Pour le chapeau, c'est pareil. Vous devez avoir un chapeau à votre pointure. Alors, les autres étapes, maintenant que la base est terminée, je vais devoir cacher ce laiton et venir mettre un ruban au niveau de la ceinture de tête. La ceinture de tête, c'est tout ce qui va se retrouver sur votre front. Donc, sur le devant, sur le front et sur tout le pourtour du chapeau, autour de votre tête. Et là, concrètement, quelle couleur vous allez mettre ? Alors là, je pense que je vais mettre... J'ai bien envie de mettre une petite chaînette. Allez, une petite chaînette, quelle couleur ? J'ai vraiment... un grand amour pour les choses un petit peu anciennes, donc je pense que je vais utiliser une chaînette en laiton vieilli. Donc on assemble à l'aide de pinces plates, à l'aide de petits anneaux couleur laiton vieilli aussi. Voilà, on maintient bien, on fixe le tout. Et maintenant, on n'a plus qu'à coudre notre chaîne pour bien la maintenir sur le pourtour de notre chapeau. C'est parti. C'est parti. Et ça y est, c'est fini. Et voilà. On a devant nous la pièce réalisée, le chapeau fait. Donc c'est un chapeau rouge avec effectivement une chaînette, on va dire couleur vieillie, un petit peu comme dans le temps. Oui. Alors, vous remarquerez que c'est un feutre de poils, mais avec une finition taupée, donc une finition un peu velours. Effectivement, c'est très très doux. Et donc l'idée, ça va être pour lui donner vraiment une belle finition, ça va être de le brosser dans le sens du poil. C'est le cas de le dire. Exactement. Pour bien disposer les petits poils pour qu'ils soient très beaux en fait. Donc je prends une brosse avec du poil de sanglier, comme oui. on peut utiliser pour les cheveux. Et donc, je vais commencer par le dessus de la tête. Parce qu'il a été tellement manipulé, ce chapeau, à force. Mm-hmm. Donc, on a systématiquement besoin de lui redonner et un petit coup de fer et un petit coup de brosse avant de lui mettre son étiquette définitive. Et voilà. Et voilà, c'est tout prêt. Sophie Millie, vous êtes l'une des rares modistes, je dirais même la seule en Lorraine, à maîtriser toutes les techniques du chapeau. Il en existe une douzaine. Et vous faites partie du club très restreint des 150 modistes en France à maîtriser toutes les techniques. Alors racontez-nous un petit peu. Donc en fait, avant de se lancer dans une technique, il faut réfléchir à quelle occasion est destiné le chapeau. Donc en fonction de ça, on se demande dans quelle matière on va devoir le faire. Et une fois qu'on a ces deux indications, on sait vers quelle technique on va s'orienter. Donc là, on va travailler de la même façon, par moulage, sur une forme en bois, une forme que nous a fabriquée notre formier. Alors, métier important aussi, il en reste deux en France. Deux formiers. Deux formiers, oui, oui. Dont un qui, je pense, va pas tarder à prendre sa retraite, donc il n'en restera plus qu'un. Je sais aussi que vous êtes attentive à la transmission et que vous organisez des stages pour que tout un chacun ou que tout un chacune puisse se former à la technique de son choix. Exactement. En fait, toutes les six semaines, grosso modo dans le calendrier, en fonction de l'intérêt d'une personne pour une certaine technique, eh bien, j'organise un stage. La première personne qui a suscité, a manifesté un intérêt pour une technique me dit « Voilà, c'est cette technique, cette date. » Et donc, eh bien, j'essaie de proposer à d'autres personnes de venir participer à ce stage. Le dernier stage était d'ailleurs ce week-end. Et le prochain, ça sera quand alors ? Pas de date encore annoncée, puisque c'est pas moi qui décide. Donc c'est ouvert à nos auditeurs et nos auditrices. Tout à fait. Si vous êtes intéressés pour découvrir une technique parmi d'autres du chapeau, eh bien contactez Sophie Millie, qui se fera un plaisir le temps d'un week-end de vous aider à faire votre propre chapeau. Exactement. Un savoir-faire, Sophie Millie, qui je crois a été récompensé. Vous avez obtenu plusieurs prix. Oui, j'ai participé au célèbre concours organisé par l'atelier Musée du Chapeau. Alors, c'est vrai que c'est pas incroyable quand je dis que j'étais dans les 15 dernières finalistes, mais il faut savoir que c'est un concours où participent 250 modistes du monde entier. En ça, j'étais assez fière. Et puis, c'est vrai que c'est aussi arrivé à un moment où je me disais, vu que les commandes n'étaient pas quotidiennes et loin d'être hebdomadaires non plus, je m'étais dit, si je suis pas bien classé dans ces concours, j'arrête. C'est que finalement, j'aime beaucoup ce travail, mais que je suis pas assez douée. Et au final, ça m'a redonné une nouvelle énergie pour pouvoir continuer mon travail. Oui, parce que notons-le, vous êtes quand même finaliste du prix international du concours de chapeau du musée Jazel sur Lyon. Également, vous avez fini deuxième au concours de Maison Lafitte en mai 2005. Oui. Quelle qualité faut-il avoir pour être modiste ? Alors, il faut être patient. Oui. Il faut être persévérant. Perfectionniste, il ne faut pas avoir peur de défaire et de refaire. Il faut aussi être très psychologue. Comme je vous le disais, les gens savent très bien ce qu'ils veulent, mais ne savent pas forcément exprimer ce qu'ils ont en tête. Ils ont pensé un chapeau, mais ils ne savent pas vous le dessiner. Il faut être curieux, il faut savoir se remettre en question sans cesse. Pour travailler dans la création en général, il faut savoir se remettre en question, être à l'affût des nouvelles tendances, parce que faut pas se le cacher, quand on travaille ou dans la mode ou dans la déco, il faut savoir être dans l'air du temps. Et vous êtes aussi ancrée, je dirais, dans un patrimoine local, puisque vous êtes Lorraine, vous êtes attachée, eh bien, à valoriser ce patrimoine-là. On ne le sait pas forcément, mais la Lorraine était quand même le haut fief des chapeaux au 19e siècle. Et vous avez d'ailleurs sorti, je crois, une collection Art Nouveau. Alors, à quoi ça ressemble un chapeau Art Nouveau ? Décrivez-le nous. Il est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas de musée du chapeau en Lorraine, parce que comme vous le disiez très justement, la Lorraine a été au 19e un haut lieu de la fabrication de chapeaux qui était connu partout dans le monde. La moitié des chapeaux haute forme qui étaient portés au 19e des chapeaux haute forme qui étaient portés dans le monde étaient de fabrication lorraine. Plusieurs fois, on m'a demandé pourquoi ne pas partir travailler à Paris. Je veux bien partir faire des expositions à Paris, mais je veux rester en Lorraine. Alors après, je suis partie sur une collection Art Nouveau. D'une part parce que j'avais besoin moi-même de me remettre en question et de me fixer de nouveaux challenges. Et j'avais envie d'un retour aux sources, d'un retour à la nature. Et c'est vraiment ce qui caractérise cette époque de l'Art Nouveau. Alors je suis partie sur des formes très près du visage, des garnitures avec des arabesques, des cabochons que je fais réaliser par une créatrice de bijoux fantasy dont la marque s'appelle Gears of Time et qui est passionnée de cette époque Art Nouveau justement et qui me permet d'avoir des éléments très fins où sont des fleurs, des animaux, même des femmes de cette époque-là qui sont dessinées dans des cabochons sertis de laiton, donc toujours un petit peu avec cet esprit ancien. Et les chapeaux, alors c'est qui vous commande des chapeaux? Est-ce que c'est tendance maintenant? Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est ici en Lorraine? Alors, contrairement aux préjugés et aux a priori, il n'y a pas que la reine d'Angleterre et Madame de Fontenay qui portent des chapeaux et qui peuvent me commander des chapeaux. Aujourd'hui, qui me commande des chapeaux? C'est tout le monde. Ça peut être une petite jeune fille qui a envie d'un serre-tête. Mmh. Ça peut être une mariée qui veut un voile. Ça peut être une femme qui veut couvrir sa tête parce qu'elle a des petits soucis de chevelure. Ça peut être un homme qui a envie d'avoir une casquette un petit peu originale et qui ne la trouve pas dans le commerce. Et je n'ai pas forcément des personnes qui ont un grand pouvoir d'achat. Il n'y a pas de classe sociale particulière qui vient me voir. J'ai déjà eu des chéries d'étudiantes qui avaient craqué pour un chapeau que j'avais fait et qui du coup me payaient en plusieurs fois pour offrir un chapeau sur mesure à leur chérie. De mes dernières clientes devait avoir 89 ans pour aller à un mariage, voilà, s'est fait faire un bibi et elle voulait quelque chose de très original qui aille avec sa tenue. J'ai la quarantenaire un peu mode qui voit que dans les magazines on met beaucoup de capeline de feutre ou alors beaucoup de fedora qui vient me voir pour avoir sa capeline ou son fedora sur mesure. J'ai potentiellement tout le monde. Et dans votre atelier, quel moment de la journée préférez-vous? Alors, c'est pas vraiment au moment de la journée, c'est plus en étape dans la fabrication du chapeau. En fait, il y a plusieurs moments que j'aime bien. Il y a le moment où je vais mettre l'après sur mon chapeau de paille. Et l'odeur du diluant de cet après m'évoque la satisfaction du travail bien fait, du travail fini, du travail accompli. C'est la fin du travail. C'est la fin du travail. Il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, le moment où je reçois ma cliente et que je vois ses yeux s'écarquiller parce que j'ai compris ce qu'elle voulait me dire et qu'elle n'avait pas su m'exprimer forcément avec des mots. J'aime aussi assembler la calotte et les bords. Et puis voir prendre vie un chapeau que j'ai imaginé et que je vois enfin d'une seule pièce et que je peux enfin mettre sur ma tête pour voir si ce que j'ai imaginé fonctionne. Qu'aimeriez-vous dire aux jeunes qui nous écoutent ce soir? Si ils sont intéressés par ce travail, il faut vraiment être pluridisciplinaire, ou même par l'artisanat en général. Il ne faut pas croire qu'être artisan, être son propre patron, c'est cool. Ça exige une grande discipline d'avoir beaucoup de connaissances et d'être polyvalent. Un artisan, c'est aussi son chargé de com, c'est aussi son secrétaire, c'est aussi son comptable, c'est aussi son représentant. Il faut savoir vendre. Il ne faut pas juste rester dans son atelier et bosser aux heures qu'on a soi-même décidées. Il faut savoir écrire. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec ses mains qu'il faut s'imaginer qu'on n'a pas besoin de travailler le reste. Quand vous discutez avec des personnes, il faut savoir aussi avoir des sujets de conversation, donc s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la culture. Il faut vraiment être intéressé partout. Être pluridisciplinaire. Exactement. Pour terminer, Sophie Milly, où pourra-t-on vous retrouver prochainement? Eh bien écoutez, on n'est jamais sûr de rien, mais si ma candidature est acceptée, je serai au Salon Mode et Tissus du 10 au 13 mars à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc en Moselle. En Moselle. Je serai aussi probablement avec l'association dont je fais partie, Craft Création France, pour les journées des métiers d'art. Oui. Et puis autrement, je suis à mon atelier tout le reste du temps. Merci beaucoup, Sophie Milly, de m'avoir reçue dans votre atelier à Nancy. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Retrouvez toutes les créations de Sophie Milly sur la page Facebook de Main de Maître, ainsi que la formation et les débouchés pour devenir modiste sur la page de Main de Maître sur le site de Fadjet. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain dans l'atelier d'un nouvel artisan d'art, ainsi qu'en mars pour les journées européennes des métiers d'art. À bientôt.